qu'elle démange les autres la proie. Tu vas retourner au pays. Oui, ce soir même. Et moi, je m'arrive entre ma mère. Tu la verras, eh bien, tu lui diras que sa vie se mêle. Là maintenant, pendant que je dirai. Ne pas, lisez d'abord et puis je reviendrai. Pourquoi t'en aller? C'est plus sage, cela me convient davantage. Lisez, puis je reviendrai. Tu reviendras. Je reviendrai. Thank you. Fleur, sorcière forte.